L'actualité à Nancy et ailleurs. Jusqu'au 22 juin, le pôle bijoux de Baccarat nous donne l'occasion de ralentir le rythme avec l'exposition Éloge de la lenteur. Monique Manoa, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice du pôle bijoux de Baccarat. Qu'est-ce qui se cache derrière ce titre Éloge de la lenteur ? Oh, beaucoup, beaucoup de choses. Donc, comme toujours, sur ce genre d'exposition, on a créé l'appel à candidature, il doit y avoir à peu près 2 ans. C'est juste avant le confinement, le premier confinement. Et en fait, se poser la question qui après est revenue encore. On a commencé à parler de ce monde d'après, d'un monde qui s'accélère. Enfin, il y a beaucoup en ce moment de gens qui réfléchissent sur ce sujet. On a créé la Slow Food pour contrer le fast food. Ça, c'est parti en Italie, d'un critique culinaire. Et puis du coup, c'est quelque chose qui a petit à petit gagné toute la société. Et dans les métiers d'art, forcément, la lenteur, elle a du sens, puisqu'en fait, on pose la question des modèles de production. On est sur de la création en toute petite série, en pièces uniques, et pas sur de la production industrielle. Et puis, on utilise et on met en œuvre des techniques qui demandent du temps pour être apprises, pour maturer. On sait qu'un bon verrier, il lui faut 10 ans de pratique avant d'être au mieux de sa production. Et puis, souvent aussi, il y a un temps dans la production des pièces, parce qu'on va, un céramiste par exemple, il va faire un premier travail sur sa pièce, il va devoir attendre que ça sèche, faire une première cuisson, retravailler, faire une deuxième cuisson. Donc on n'est pas dans l'immédiateté. Donc on avait envie de parler un peu de tout ça. Et comme toujours, les créateurs nous ont envoyé des dossiers, on a fait une sélection. C'était très compliqué parce que chaque fois on est obligé de prendre qu'un dossier sur 2 par rapport aux candidatures qu'on reçoit. Donc c'est toujours très douloureux parce que globalement on n'a que des belles propositions. Mais comme toujours, là encore, il y a des créateurs qui nous ont surpris parce que nous on avait envisagé plein d'approches de notre sujet. Et il y a des gens qui ont fait mieux que nous, c'est-à-dire qu'en fait ils ont été explorer des champs qu'on n'avait pas imaginés. Je pense par exemple à une toute jeune créatrice, c'est son premier travail de créateur indépendant. Par ailleurs, elle est salariée dans l'univers de la bijouterie et de la haute joaillerie. Et en fait là, elle présente des pièces qui ont été... En fait, c'est des pièces qui sont faites en laiton et laine mohair et sur lesquelles elle provoque une cristallisation par des bains dans de l'eau saturée en alun de potassium. Donc du coup, il y a des gemmes en fait qui se fabriquent sur les, qui s'accrochent sur les fils de mohair. Les pièces sont somptueuses, vraiment très très belles. Et pour elle, c'était poser la question, quasiment une question sociétale, c'est-à-dire elle travaille dans la haute joaillerie avec des pierres qui ont des millions d'années en fait. C'est ça aussi un gemme. Et aujourd'hui, pour des questions de rentabilité, budget, etc., on met la pression sur les ouvriers, ils ont de moins en moins de temps pour réaliser les mêmes pièces. Alors que paradoxalement, ils travaillent avec des pierres qui ont demandé un temps énorme. Même pas... Voilà, c'est ça, on ne peut même pas le penser, ce sont des pierres. Et du coup, elle avait, là, elle fait du... Alors, c'est aussi brillant que du diamant, ses productions. Du coup, ça dégouline. Les pièces sont vraiment magnifiques. On a envie de les porter. Et en même temps, c'est éphémère. Et si elles s'abîment, on peut les refaire à l'envi. Et elle avait vraiment envie de porter un regard là-dessus, sur c'est quoi aussi cette notion du précieux. Et est-ce que finalement, le temps du travail n'est pas tout aussi précieux que les matières avec lesquelles on travaille. Et un peu dans le même champ, on a une émailleuse parisienne, Aude Bramollet, qui elle, au départ, était ingénieure minier, du coup, a travaillé dans l'exploitation des mines d'opale en Australie, avec tout ce que ça représente comme complexité. Et en fait, elle fait des fausses gemmes en émail. Alors, ça lui demande un temps fou, ça a demandé des techniques très particulières, mais elle aussi, c'est trompe-l'œil, elle avait envie d'interroger comme ça ce matériau et elle parle du temps à plein de niveaux parce que c'est aussi, elle crée petit à petit un musée de gémologie, enfin de géologie même plus précisément, mais que de faux. Et en même temps, elle parle aussi de ce temps qu'il faut pour faire une collection. Il a fallu du temps à la terre pour fabriquer ces minéraux magnifiques. Il faut du temps pour les collecter, les collectionner, les donner à voir. Enfin, voilà, le temps est une donnée qu'on oublie souvent. Cette exposition, on peut la voir jusqu'au 22 juin. Et à vous écouter, on se rend compte de tout ce qui se cache et ce qu'on ne voit pas. Enfin, on voit forcément les œuvres qui ont été pensées pour cette exposition Éloge de la lenteur. Mais il y a énormément d'histoires derrière. Et alors, autant cette visite, on peut la faire tout à fait de manière libre. Mais pouvoir la faire en étant accompagné et guidé, c'est encore mieux. J'imagine que c'est possible. Oui, alors pour l'instant, il y a quelques visites commentées planifiées. C'est le deuxième jeudi du mois à 9h30. Il faut s'inscrire à l'avance, hein, parce qu'on a peu de place. L'accès pour les visites libres est gratuit. Pour les visites commentées, c'est 2 euros par personne. Donc, ça reste très, très raisonnable. Mais effectivement, ça permet d'ouvrir des pistes. Et puis après, nous, volontairement, on met en ligne sur notre site internet des textes sur chacun des créateurs pour vous permettre de rentrer dans les démarches. Oui. On partage ça sur nos réseaux sociaux parce que, effectivement, c'est important. Quand on est sur des sujets comme ça, un peu philosophiques, on se dit qu'il y a de la matière à penser et que c'est aussi un des propos de la création artistique. Les créateurs, c'est des créatrices essentiellement. Elles sont 14 hein, en tout, c'est ça? Oui, c'est ça. Et c'est effectivement, on n'a que des femmes, ce qui est de plus en plus vrai. Hein. C'est vrai. Ouais. Dans tous les métiers de la création, il y a une féminisation très, très forte. Et dans tous, c'est-à-dire que par exemple, les verriers, il y a... Allez, 15 ans, c'était essentiellement masculin. Aujourd'hui, c'est essentiellement féminin. Chez les bijoutiers, c'est plus encore que ça. Et puis, un petit peu plus longtemps, je dirais une vingtaine d'années. Chez les céramistes aussi, elles prennent leur place. Et c'est très bien. Et c'est très bien. Donc, l'éloge de la lenteur, eh bien, qu'on prenne le temps de venir découvrir ces œuvres hein, qui ont été pensées, du coup, hein, pour cette exposition. Et j'imagine et qui ont été, pour beaucoup, faites aussi pendant les temps de confinement. Oui. Je pense qu'on n'aurait pas vécu ce qu'on vient de vivre pendant 2 ans, ou quand même, ça nous a interpellés, être confinés. Enfin, ça nous a tous impactés, en fait, contre ceux qui, d'un coup, ont eu beaucoup plus de choses à faire et ont couru beaucoup. Et il y a un certain nombre de métiers qui ont été impactés comme ça, puis ceux qui se sont retrouvés bloqués et avec plein de temps libre, pour le coup. Donc l'exposition, on peut la voir de manière libre, bien sûr, mais aussi accompagnée. Et là, il faut s'inscrire parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de place. Mais tout ça, on retrouve les infos sur le site du Pôle Bijoux. Si on peut voir un peu plus loin, peut-être, au-delà oui, de cette exposition, qu'est-ce que vous prévoyez pour la suite? Alors, on a fait la sélection pour une expo de créateurs contemporains qui va démarrer après le 22 juin. En fait, le sujet, c'est « Après la pluie », 3 petits points. Alors là, c'était vraiment un sujet qui est né pendant le confinement, à un moment où tout le monde se posait la question « Qu'est-ce qu'on va devenir ?» Il n'y a plus d'expo, il n'y a plus... Enfin, voilà. Oui. Et je sentais qu'il y avait un gros marasme chez les créateurs et je me suis dit qu'il y avait cette phrase qui nous trottait à tous dans la tête après la pluie, le beau temps. Et du coup, on leur a demandé de projeter que serait le beau temps pour eux. Il y a eu la pluie et maintenant. Il y a de très, très, très, très belles choses. Et puis, en parallèle, on travaille sur une expo plus patrimoniale. Donc, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir faire dialoguer des pièces anciennes. Et quand je dis anciennes, c'est 18e, 19e, début 20e. Enfin, même fin 20e pour certaines. Et là, ça sera autour des savoir-faire d'exception du territoire de Lunéville-à-Baccara, hein, puisqu'on est géré par la communauté de communes. Et on a quand même une richesse forte. Faïence, évidemment, Lunéville-Saint-Clément, art textile avec les broderies au point de Lunéville, puis les broderies perlées. Verrerie avec, bien sûr, Baccara, mais aussi les verreries de Croix-Mar, les frères Muller, voilà. Osiriculture et vannerie, taille de la pierre. Donc en fait, on va montrer ce patrimoine, raconter un peu cette histoire qui est encore plus riche que ça parce qu'il y a eu aussi des fabriques de jouets en bois. Et puis créer un dialogue avec les créateurs contemporains de « Après la pluie ». Eh bien, voilà un beau programme. On aura bien sûr l'occasion de reparler avec vous. Merci beaucoup, Monique Manoa, d'avoir pris le temps de nous en parler. Éloge de la lenteur, donc jusqu'au 22 juin. www.paulbijoux.com pour avoir toutes les infos pratiques. Merci beaucoup. Au revoir. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.